podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 4. Épisode 2. Le principe de responsabilité temporaire. Il y a bien longtemps, en 2022, on inventa une méthode pour envoyer des informations dans le passé. Mes chers amis, confrères et consoeurs, c'est un moment historique. Dans une poignée de secondes, si tout se passe comme prévu, nous devrions recevoir le premier message en provenance du futur, envoyé par nos doubles de demain après-midi. Ça y est, le récepteur clignote, là, opérateur, prenez note, vite. Il va pleuvoir un peu en fin de journée. Bon, on n'a plus qu'à attendre ce soir pour vérifier si ça marche. En théorie, on connaissait le principe depuis longtemps. Grâce au film Interstellar de Christopher Nolan. Il suffisait d'envoyer des ondes gravitationnelles à travers une pliure dans la cinquième dimension. T'as compris quelque chose ? Non. Les gens qui sortent de la salle, spoilez pas s'il vous plaît. Ah oui, c'est clair. Mais on tarda à mettre le principe en application. Et plus encore à le déployer pour le grand public. Je récapitule, Madame Montel. Pour le moment, vous avez ce qu'on appelle la fibre. Oui. Et là, on va installer dans votre immeuble un système de transmission interdimensionnelle à vitesse supraluminique, équipé d'un oscillateur gravitationnel à haute fréquence. Oui. Donc, on va devoir remplacer votre box et ça met un peu de temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'un créneau de 8h à midi. Mais oui, mais moi je travaille le mercredi. Et comme souvent, les gens n'étaient pas prêts. Je comprends. Mais encore une fois, dès que le système sera installé, vous pourrez vous envoyer un message dans le passé pour vous informer vous-même de l'heure du passage du technicien. Mais vous pouvez pas le faire, vous ? Théoriquement, oui. Mais nos techniciens sont des auto-entrepreneurs sous-traitants, donc on n'a pas le droit. Oh là là, c'est compliqué, votre technologie, là. Oui, parce qu'avec cette méthode, on ne pouvait faire voyager que de petites quantités d'informations. Sur de petits intervalles de temps. Attendez une seconde, j'ai un double appel. Allô ? Allô, Françoise ? C'est pour dire que le monsieur de Wifi Box va passer à 11h45 et qu'il va saloper les toilettes du bas. Allô ? Oui, Madame Intel. Écoutez, j'y réfléchis, ça m'intéresse pas. Ces limitations n'étaient pas dues à des problèmes techniques. Mais au fait que si on remontait trop loin dans le temps, l'écart culturel devenait trop grand. Et les destinataires du message ne comprenaient rien à ce qu'on essayait de leur dire. Bonne année 1972, les gars. Bonjour. La vache, que ça fait plaisir de retrouver le laboratoire. Bonjour, bonne année. Salut, mon vieux. Salut. Dites donc, le détecteur a capté un drôle de signal pendant tes vacances. Ah oui ? Et que dit-il, ton signal ? Pas de plastique dans les océans. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, ce machin-là ? Alors là, mystère et boule de gomme. Sans doute un mauvais plaisantin. Ouais, tu l'as dit. Et maintenant, je te laisse, je pars pique-niquer dans les gorges du Tarn. Wow, sans sas ! Ouais, tu sais, j'aime bien aller faire la vidange de ma quatrelle là-bas. Et puis, petit à petit, comme c'était compris dans les forfaits tout compris, les gens finirent par s'habituer. Allô, Françoise ? Juste un petit message pour te dire que finalement, les enfants de Georges et Axel ne mangent pas de viande, donc ça sert à rien d'acheter de l'agneau. Voilà, bisous. C'est quand même pratique, ce truc-là. Et comme à chaque fois, il arriva un moment où on ne pouvait plus s'en passer. Merde, mes lunettes de soleil, je les ai laissées au resto. Ah, attends, je vais m'envoyer un texto inter-époque. Tu sais que même si ton double du passé part du resto avec ses lunettes, ça va rien changer dans ta réalité à toi. Bah oui, mais c'est pour elle. Au début, c'était plutôt agréable. Toutes ces petites attentions envers nos doubles du passé. Ou de nos doubles du futur envers nous. Mais après cette période idyllique, il y eut des conflits. Là aussi, comme souvent. Tu bois quoi ? J'arrivais pas à choisir entre whisky coca et Jet 27, alors j'ai mélangé les deux. Trop marrant. Attends, j'ai encore un appel de moi demain matin. Quel relou. Allô, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je voulais juste te dire que j'ai l'enterrement de Bruno à 10h et que c'est méga relou d'y aller avec la gueule de bois du siècle. Donc, merci pour ça. Et si t'as vu la présence d'esprit de pas rentrer à 6h et surtout de pas mélanger alcool et coke et extra alors que les effets s'annulent et que ça nique le foie, j'en serais pas là maintenant. Oh là là, et oh, comment on fait son lit, on se couche, hein ? Ouais, bah justement, si tu pouvais au moins boire un grand verre d'eau en rentrant, ça serait toujours ça de prix parce que moi... Qu'est-ce qu'elle est chiante, c'est pas vrai ! J'espère que je serai jamais comme ça. Mais elle avait qu'à le boire, son verre d'eau. Attends, j'envoie un texto à moi de 6h du mat. Boire un verre d'eau. Voilà, c'est pas compliqué. Oh merde, c'est quoi mon code déjà? Oh là, faut que je dorme. Oh, encore elle. Oh, je regarde même pas, elle m'a trop saoulée. Ces conflits, d'abord mineurs, prirent vite des proportions plus inquiétantes. Bah alors, t'en fais une tête? Ouais, c'est la grosse merde, il y a mon mois de 2047 qui me fait un procès parce que j'ai fumé trop de clopes. Elle prétend que je l'ai ruinée et mise en danger. Ah, oh, la tuile. Ouais. Mon seul espoir, c'est que son cancer l'emporte avant la fin de la procédure. T'aurais du feu? Trois d'un coup, t'es sûr? Ouais. Car entre-temps, la cour pénale intertemporelle était née. Elle permettait d'instruire ce genre d'affaires. On appliquait le principe de responsabilité temporaire. On était toujours responsable de ses actions, mais seulement au moment où on les effectuait. Monsieur, avez-vous tué votre femme, oui ou non? Ben oui, mais c'était avant. Dans ces conditions, et vu les délais de traitement des affaires judiciaires, il était pratiquement impossible de condamner qui que ce soit. Je ne vois donc pas pourquoi mon client serait tenu pénalement responsable d'une catastrophe écologique dont il a été largement démontré qu'elle est le fait d'une faute d'imprudence commise par une version passée de mon client. C'est comme ça que François Fillon fut élu président de la République. Je veux dire à la Pénélope actuelle que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais aux versions passées de ceux qui ont choisi à l'époque de nous jeter au loup. Pour éviter ce genre d'aberration, on commença à organiser les procès en distanciel d'une époque à l'autre. Les gens étaient parfois jugés pour des crimes qui à leur époque n'avaient pas encore été découverts. Quelle indignité. Ou même pour des crimes qu'ils n'avaient pas encore commis. Merci. Allô, oui ? Bonjour monsieur, police du futur. Je vous appelle parce qu'on sait que vous vous apprêtez à prendre l'avion avec des espèces protégées cachées dans vos sous-vêtements, vous confirmez ? Non. C'est quoi qu'on entend là ? C'est un documentaire animalier que je regarde. Les toucans à bec rouge sont de plus en plus nombreux dans les aéroports. Mais il était bien difficile d'échapper à la police du temps. Bonjour, police du futur. Alors comme ça, on s'apprête à s'allumer un petit joint tranquille ? Non. Alors comme ça, on s'apprête à sous-facturer un petit meeting de campagne tranquille ? Non. Et la punition était toujours vécue comme une injustice. Puisqu'elle concernait des faits que certes, on avait eu l'intention de commettre, mais dont on n'avait même pas pu profiter un peu. Je peux garder au moins Laurent Houtan ? Non. Je peux sous-facturer au moins celui de la Concorde ? J'ai dit non. Toutefois, ce n'était pas comme si on avait eu confiance dans le système judiciaire de toute façon. Et bizarrement, le fait que l'État en sache plus sur nos vies que nous-mêmes n'était pas si terrible. Ça rendait d'une certaine façon les choses plus claires. Vous venez de payer une amende de 135 euros. Ah, trésor public. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est rien. J'ai brièvement envisagé de passer au rouge. Mais tu l'as pas fait? Ben non, à cause de la notification. J'ai installé l'appli Police du Futur sur mon téléphone. Comme ça, je paye mes amendes directement, sans même avoir à commettre mes infractions. Ah ouais, c'est pratique. Et beaucoup plus sûr. Mais t'as pas l'impression que l'État en sait plus sur nos vies que nous-mêmes, et sous le prétexte toujours difficile à contester de la sécurité individuelle, régente notre intimité à tel point que c'est comme si on n'en avait plus? Si, mais c'est pas si terrible. Et ça rend d'une certaine façon les choses plus claires. T'as raison. Oh bah, je vais l'installer aussi. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Grégoire Boja, Bernadette Le Sachet, Benjamin Vangerné, Charlotte Cormont, Daniel Berlioz, Manon Coux, Grégoire Tachnakian, Laure Babled, Samuel Charles, Dominique Valadier, François Chateau, Adrienne Villeneuve, et les voix de Thierry Garcia et Clémence Bûcher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Anissa Zidna. Réalisation, Benjamin Habitant.